Ok, ok, dangereux. Ça, dangereux. Ailleurs, chi, dangereux. Nez-nous ça, ailleurs, chi. Tu connais la suite, il est pour la suite. Connais la suite, il est pour la suite. Il est pour la suite. Dangereux, dangereux comme la douane à la frontière. Comme se faire dépouiller par des sans-abri qui font chef. Dangereux comme de l'huile bouillante comparé à l'enfer, c'est tienne. Et ce que je me rappelle de l'école, c'est du dangereux cul de la maîtresse. Je maîtrise mes mots, dangereux comme une maladresse sur une scène de meurtri. Dangereux c'est pas la gêne, mais les problèmes qui font maigrir. Dangereux comme me réécrire, comme un mec qui réédite tout en étant récidif. Du renfant c'est pas mes sons, mais mes CV qui se déchirent. Du renfant c'est pas mes sons, mais mes CV qui se déchirent. Dangereux comme vouloir faire du freshy. Dangereux comme un affranchi ou les nerfs d'une daronne fragile. Dangereux du vol au braco, de la consommation à la vente qu'une étape à franchir. Putain tout ça c'est dangereux comme les grosses barques que je tire. Dangereux comme les barres auxquelles je médite. Dangereux comment faire le bien quand le bien lui-même t'évite. J'ai répondu dangereusement c'est l'argent qu'on m'a dit. L'amour fait vivre cette situation dangereuse. On m'a dit ailleurs tu fais vite. Dangereux consommer de la drogue dure et vite. Poker de mafieux dangereux la triche. J'allais vos trop partir au cheese. Dangereux comme entendre à plat ventre l'espoir de France aux crises. Dangereux comme ce type triste ou ce type qui crise. Qui tue peu de la cheese et c'est type pas. Dangereux comme le lendemain quand tout repart. Plus trop père. Dangereux quand t'as le cœur brisé. C'est pas qu'à classe qui répare. Connard, ça c'est l'ultime hic. Dangereux imprévisible comme un coma itchilique. Quand un coma utilise la défense. Depuis 13 piges, c'est pas au sport mais au shit que je me dépense. Depuis 16 piges, j'ai pas en gramme en centilitres que je me défonce. Dangereux comme un rage. J'ai l'alias à la main qui te dévoche. Chien de la casse, on n'est pas des buts mais non plus des hommes. Dangereux dans ma zone, ça sort des armes pour décembre. On veut monter au sommet, plus facile de redescendre. On veut monter au sommet, plus facile de redescendre. Dangereux comme une cardiacrise, lors d'un cardiacking. Dangereux comme les jantes de leur cardiac grise. Une grasse mat, dangereux la grise mine. Dangereux, tire des places quand le pont tape grisi. Dangereux comme se faire agresser ou dans les pattes d'un grizzly. Dangereux comme se faire agresser ou dans les pas d'un grizzly. Dangereux la dernière pêche, elle va te rendre sourd. La cristalline se coupe dessus car elle coule pas de source. Le rap et moi on n'est pas mariés. Je veux juste le balader, me pavaner, parer à qui qui sur n'importe quel beat. Dangereux comme un pit, à l'aise dans mes hits. De voler stupide comme un poisson. T'es un poison donc passons. Dangereux comme un piton dans ton lit. Dangereux comme Rayerty. Dangereux comme un clando avec une rafleuse dans une colo. Débarque au micro et là je suis dangereux comme moi-même. Trop de haine dans mes écrits. Dangereux quand je crie. Mes amis je trie quand je kick. Toi t'es à l'agonie. Dangereux quand t'agonies. Le fourrage, bourrage, courage. Dangereux comme Don Corleone dans le parrain. Dangereux comme un glock dans ta glotte. Double code, ha ha. Dangereux comme une overdose. 5 doses de C, tu t'es mis dans zen. Zemel mauvais élève, tu es dangereux. Écramer nos raps sont son. Quand j'ai pas de son, ben j'en ai écrit sur mon Samsung. Dangereux comme un kung fu sans kung fu. Dangereux comme un kill gun. Dangereux et heureux c'est toujours moins dangereux qu'un dangereux parano paro pour te liquider. Dangereux comme un fou qui veut te liquider. Ouais c'est dangereux. Ah dangereux. Ouais c'est dangereux. Ah dangereux. Dangereux. Ah ouais.